Freud, c'est la bête. Il transforme l'humain en une bête pour défaire son destin. Le comportement devient bête. Le psy est mort vivant. C'est un zombie qui vit des folies. Freud, c'est la bête. Il transforme l'humain en une bête pour défaire son destin. Comme ça, c'est la bête qui défilera sur la feuille, que le patient le veuille ou pas.